Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin rendus au chapitre 14. On avance dans l'étude de notre merveilleux livre de l'Apocalypse. Nous allons prier en commençant, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, en lisant ce livre, en tant que croyant, je me réjouis, de voir tout ce que tu vas faire afin d'établir ton royaume une fois pour tout. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une tristesse dans mon cœur face à tout ce monde qui va périr sans toi. Mais ce que tu veux produire en moi, ton enfant, c'est la persévérance. C'est l'adoration. Je peux dire avec simplicité que depuis que je médite ce livre, oui, ça produit en moi la persévérance. Oui, ça produit en moi l'adoration de Dieu et de Jésus, l'agneau immolé. Continue à produire en nous la persévérance et l'adoration. Je te prie, Seigneur, je t'implore que tu puisses pousser à la repentance ceux qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas tes enfants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si vous me permettez, je vais résumer un petit peu. Nous avons vu que le diable, le troisième malheur, avait été jeté sur la terre. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il va faire la guerre à la femme et à sa postérité, aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le diable s'acharne. Et on a vu qu'il a fait venir une bête qui est sortie de la mer et une bête qui est sortie de la terre. Et là, il donne son autorité, il donne son pouvoir, il donne sa puissance à ces deux bêtes-là qui vont continuer et d'emmener à l'apogée la séduction, afin d'emmener le monde entier ouvertement, ça sera pas caché ces affaires-là, frères et sœurs. Ça va être ouvertement, le monde entier va prendre position pour le dragon, pour le diable, pour Satan, contre Jésus et contre Dieu et contre son peuple. Ça va être ouvert, ça sera pas caché. Le diable ne se fera pas passer pour un extraterrestre qui vient d'une autre planète, et là, non. Ça va être ouvert. Ça va être, les gens vont le savoir. Et on a vu ensemble qu'il a fait marquer du sceau, d'un sceau, tous ceux qui adoraient la bête. Tous ceux qui adorent, reçoivent un sceau qui va leur permettre de vivre en paix, si je peux dire ça ainsi, et de pouvoir acheter, de pouvoir marchander, de pouvoir vendre, de pouvoir vivre dans ce monde. Et ces gens-là, en adorant la bête, en adorant le diable, vont s'acharner, eux aussi, comme le diable, comme les deux bêtes, s'acharner contre la femme et sa postérité, contre ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie. Alors, j'ai lu des livres, personnellement, qui parlent de ces nouveaux mouvements religieux, qui blâme les chrétiens déjà maintenant d'être des obstacles à la paix dans le monde. Parce qu'on est ceux qui disent qu'on est les seuls élus, puis il y a juste les chrétiens qui vont être sauvés, puis il y a juste ceux qui croient en Jésus qui vont aller au ciel, puis il y a juste les autres qui vont vivre dans la paix pour l'éternité parce qu'ils croient en Jésus. Et beaucoup de gens qui ne croient pas en cela s'acharnent. Ils seraient prêts à accepter qu'on dise que nous, on est comme ça et que les autres aussi sont corrects. Mais ils n'acceptent pas qu'on dise qu'on est correct dans notre foi en Jésus-Christ et que les autres ne sont pas corrects. Et là, ce matin, à partir du chapitre 14, jusqu'à la fin, ça va être la colère de Dieu qui va être emmenée dans le monde parce que le péché va avoir atteint son comble. Partout dans la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on parle d'un comble. Quand le péché était à son comble, Dieu a envoyé des déluges. Quand le péché était à son comble, sur Sodome et Gomorre, Dieu a amené le feu. quand le péché est emmené à son comble dans le pays de Canaan, Dieu a emmené Israël qui a détruit le pays de Canaan, qui a détruit toutes les idoles qui étaient là. Il n'a plus possession de la terre promise. Quand le péché est à son comble, Dieu amène sa colère et détruit le monde. C'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Mais premièrement, on va lire ce matin à partir du chapitre 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les véhards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, parmi les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, pour la deuxième fois, on fait mention d'un groupe de personnes qu'on appelle les 144 000. On voit ici les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'était où le temple de Jérusalem était bâti. Donc, ils sont dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. Ils sont avec Jésus-Christ. Et c'est qui ces 144 000-là? C'est ceux qui ont le nom de Dieu sur leur front. C'est ceux du chapitre 7. On peut pas faire autrement. C'est sûr, du chapitre 7. Et on peut pas dire, mais ça, c'est une autre gang de 144 000. Non, c'est la même gang qui sont là. Dans le chapitre 7, qu'on revoit ici, identifié de la même façon, les 144 000 qui ont le nom de Dieu et le nom de Jésus écrit sur leur front. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils chantent de la louange, qui chantent de l'adoration à Dieu. Et ils sont une grande foule. Et leur louange retentit très fort. Alors, ça m'a fait penser, pendant que je lisais, à l'Ancien Testament, quand ils ont bâti les murailles de Jérusalem, et quand ils ont eu fini, ils ont tourné sur la muraille de Jérusalem, et ils ont chanté tellement fort la gloire de Dieu, que le son de leur chant était entendu très loin dans les autres villages alentours. Il y a des autres villes alentours. Ces gens-là ici sont identifiés. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à l'agneau. Et ils chantent honneur et louange et gloire à l'agneau de façon merveilleuse et grandiose. Mais qui sont ces 144 000-là personnes? Si vous avez pris la position que c'est des 12 000 juifs de chaque tribu d'Israël, bien, vous êtes obligé de venir à ça aussi. Mais c'est dur à expliquer ici si vous pensez ça. C'est très dur. Parce que leur description ici qu'ils donnent des 144 000, selon ma compréhension, ça ne peut pas être 144 000 juifs, hommes. La façon qu'ils sont décrits, toutes ces descriptions-là qu'ils donnent ici, ça s'adresse à l'Église dans toute l'Apocalypse. C'est des termes qu'on emploie, on applique à tous les croyants de tous les temps. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Si tu dis que ces 144 000-là, c'est tous des célibataires qui ont pas, qui sont jamais été mariés, là, j'ai un gros problème. Depuis quand est-ce que d'avoir une femme, ça souille un homme? Depuis quand de fait d'avoir une femme, ça me souille? C'est illogique. C'est contradictoire à l'ensemble du Nouveau Testament et l'ensemble de la Bible. Car ils sont vierges. Donc, le mot vierge ici et dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est l'Église est présentée à Dieu comme une vierge. On ne parle pas de sexualité ici, ni de sexualité quand on parle, ce ne sont pas souillés avec des femmes, ni de sexualité quand on parle qu'ils sont vierges. On parle ici de spiritualité. Se souiller avec des femmes, vous allez voir, dans l'ensemble, dans le restant de l'Apocalypse, vous allez voir, ils se sont souillés avec la grande Babylone, avec la grande prostituée. Le souiller ici, c'est avec des femmes, ça veut dire prendre d'autres fois. Ils ont adhéré à d'autres religions. Ils se sont souillés avec Jézabel, comme dans une des églises. Ils se sont souillés avec des femmes qui représentent ici les autres religions ou la grande religion qui va être Jézabel à la fin, la grande prostituée. Ils sont vierges, non pas qu'ils ne sont jamais couchés avec des femmes ou avec des hommes. Ils sont vierges parce qu'ils sont restés attachés à Christ et ils vont être présentés à Christ et à Dieu à la fin des temps. Ils sont vierges et l'Église est une vierge parce qu'elle n'a pas connu d'autres hommes que Jésus, et elle n'est pas encore eu lieu les noces de l'agneau qu'on va voir au chapitre 19 et 20. 19, je crois, excusez. Donc, c'est de l'Église qu'on parle ici, qui finalement, comme une vierge, va te présenter à son époux, qui est l'agneau, qui va avoir les noces de l'agneau à la fin. Nous, le chrétien ne se souille pas avec d'autres femmes ou d'autres religions. Il n'adore pas autre chose que Dieu et que Christ, donc il est, ne se souille pas, parce que dans beaucoup de religions païennes, il y avait des relations sexuelles avec des femmes qui étaient des prophétesses, qui les mettaient en relation avec leur faux Dieu. C'est ce que Jézabel a fait. Jézabel a entraîné beaucoup d'hommes à se souiller et à se détourner de Dieu. Et Jézabel, dans l'Église, a fait la même vérité et a amené beaucoup de gens dans l'Église à se souiller et à adhérer à des doctrines de démons. Il me semble que ça fait plus de sens de même et ça se tient avec l'ensemble du Nouveau Testament et avec l'ensemble de l'Apocalypse. Ils suivent l'agneau partout où il va. C'est facile à comprendre parce que l'agneau est en eux et les autres sont en l'agneau. Ils font un avec l'agneau. Ils sont un avec l'agneau sur la terre, puis ils vont faire un avec l'agneau pour toujours. Ils suivent l'agneau partout et il va. Quelle belle image, n'est-ce pas? Ils suivent l'agneau. Ils sont un avec l'agneau. Ils font partie de l'agneau. Et l'agneau fait partie de leur vie. Donc, c'est des gens qui se sont identifiés avec l'agneau pendant leur vie ici-bas et qui vont continuer à s'identifier avec l'agneau dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont vierges, car ils ne se sont pas souillés avec d'autres femmes, donc ils sont vierges. Parce que le mot « car », là, « car ils sont vierges ». C'est pour ça qu'ils ne se sont pas souillés avec d'autres femmes. La Vierge, elle est pure. Elle ne s'est pas donnée à un autre homme que son mari. Marie était vierge quand elle était fiancée avec Joseph. Elle n'était plus vierge après qu'elle ait connu Joseph. Ils suivent l'agneau. Et là, ils rajoutent une autre description. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils sont rachetés parmi les hommes. C'est pas parmi les Juifs. C'est pas parmi les 12 tribus. Ils ont été rachetés parmi les hommes. Il dit au verset 3, ils avaient été rachetés de la terre. Donc, de la terre et parmi les hommes, c'est trop général pour dire que c'est 144 000 juifs seulement, de la race juive. Il faut que ce soit plus large que ça. La terre, c'est tous les habitants de la terre, et d'entre les hommes, c'est tous les habitants des hommes. Ils ont été rachetés, ça veut dire qu'ils ont été sauvés, que quelqu'un a payé pour eux, c'est l'agneau qui a payé pour eux, par son sang, pour les racheter parmi les hommes de toute la terre, de toutes les nations. C'est la même gang qu'on avait vue dans chapitre 7, qui, c'est des gens de toutes les tribus, de toutes les langues, qui avaient lavé leur robe dans le sang de l'agneau pendant la grande tribulation. C'est la même gang ici, qui ont été rachetés parmi les hommes de la terre. Ils ont été rachetés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, les prémices, c'est ce qu'on offrait sur l'autel, le meilleur, hein, de ce qu'on avait. C'était les prémices qu'on présentait à Dieu sur l'autel dans le temple. Ici, les rachetés, ces hommes-là non souillés, ces hommes-là qui sont vierges, ces hommes-là qui suivent l'agneau, c'est des rachetés par l'agneau qui sont offerts comme un peuple de sacrificateurs à Dieu pour qu'ils puissent être adorés et loués pour l'éternité. Et il continue à les décrire au verset 5, et dans leur bouche, ils n'essaient point trouver de mensonge. Ben, vous n'en trouverez pas de juifs qui ont jamais menti. Vous ne trouverez pas non plus d'aucun homme, aucune femme, aucun enfant qui a jamais menti. Car ils sont irréprochables. Qu'est-ce qui les rend irréprochables? C'est qu'ils n'ont jamais été trouvés de mensonge dans leur vie. De qu'est-ce qu'il parle? Si vous prenez le mot mensonge ou le mot menteur dans l'Apocalypse dans son ensemble, c'est les gens qui ont adoré à des doctrines mensongères, qui croient à des mensonges, qui ont adhéré à des mensonges, qui ont cru le menteur, qui est Satan. C'est pour ça qu'il dit plus loin, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Les menteurs, c'est ceux qui vont contre la vérité. C'est un antithèse à la vérité. Le mensonge, c'est le contraire à ce qui est vrai. Donc, il dit, pourquoi est-ce qu'ils font partie des 144 000? Pourquoi est-ce qu'ils sont sur la montagne de Sion? Pourquoi est-ce qu'ils chantent un cantique nouveau devant le trône de Dieu? Pourquoi font-ils partie de ceux qui sont avec Jésus? Parce qu'il ne s'est pas trouvé de mensonge en eux. Ils sont irréprochables. Parce qu'ils ont la vérité en eux. Ceux qui ont le mensonge en eux pourront jamais faire partie des 144 000, c'est bien sûr. Donc, si je résume, les 144 000 ont été rachetés de la terre et parmi les hommes. Ils ne sont pas souillés avec des femmes. Ils n'ont pas pris d'autres religions. Ils sont vierges, ils sont restés fidèles à leur mari qui est l'agneau, avec lequel ils vont se marier au chapitre 19, aux noces de l'agneau. Ils ont été rachetés, ces gens-là, par Jésus-Christ. Ils sont les prémices de Dieu. Il n'y a pas de mensonge en eux. Ils sont irréprochables. Donc ça, c'est qui? C'est les chrétiens. Et tous ces termes-là, vous pouvez l'appliquer à l'Église dans tout le Nouveau Testament. Et vous pouvez l'appliquer à l'Église dans toute l'Apocalypse. Vous ne pouvez pas restreindre cette description-là à 144 000 juifs. C'est très compliqué de le faire. Et ceux que j'ai lus qui essaient d'expliquer ça, ben je vous dis qu'ils patinent aussi un petit peu. Mais l'important ici, c'est si on dirait que ces 144 000 juifs, on serait obligé de les décrire avec les mêmes vérités. On serait obligé de dire, ben, c'est des gens qui ont été rachetés, c'est des gens qui appartiennent, sont vierges. C'est spirituellement, on peut pas dire que c'est physique. Si vous essayez d'appliquer ça, ben, c'est des gens c'est des hommes célibataires, sont vierges, n'ont jamais couché avec de femmes. Ça devient fifolon. Que Seigneur nous donne ici de se réjouir. C'est de nous qu'il parle ici. C'est de nous. Notre Père du ciel, merci que ton Fils, l'agneau de Dieu, nous a rachetés parmi les hommes de la terre. Il a payé le prix pour qu'on puisse être devant toi avec nos harpes et chanter de merveilleux cantiques d'adoration et de louange à notre Dieu. Bénis, Seigneur, notre persévérance. et notre adoration jusqu'à la fin. Amen.